Que c'est normal, me direz-vous? Alors j'ai vu sur un truc, toujours sur ces écrans, une gonzesse qui disait que pour bander, il fallait mettre de l'huile d'olive dessus, ou si t'avais mal au bout. Il fallait mettre ça et astiquer tous les jours pendant 21 jours. Astiquer ton bout pendant 21 jours. Et que normalement, ça devrait le faire. Astiquer ton bout, qu'ils disent. Mais sans air, bien sûr. Astiquer ton bout, bien sûr. Tout seul, sans elle. Que c'est facile sans elle, bah non, au bout d'un moment, non, on peut plus, on n'en veut plus sans elle, on a le bout qui s'irrite, il n'en veut plus lui non plus, non, il n'en veut plus, il voudrait un peu de contact vrai. Alors voilà, j'ai vu des trucs sur internet. Ah, l'internet. Voulez-vous que je vous explique? Des femmes en direct. Des webcams à poil qui se doit. Avec des gros godes nichés, enfin plein de choses. Et elles ont leur vibro. Bizarre, là, tout le temps rose, connecté internet, et le mec à distance paye pour la faire vibrer, il y à celles qui ont la machine à baise, un moteur et un god qui fait du va-et-vient quand les gens payent de l'autre côté de l'écran, payent la machine à baise, la machine à fucker. Machine à fucker. J'ai eu ça. C'est dingue quand même. Il y a tel les couples, tel les trans, tel les gays. Ou à plusieurs. T'as les vibros, t'as... Pou. Et toi t'es de l'autre côté de l'écran, en train de regarder. Et si t'es bien, t'es en train de payer même. Jetons, 2 jetons, 3 jetons, 20 jetons. Et ça la fait vibrer, ça la fait vibrer, ça la fait vibrer. Combien sont en direct? 5000 personnes en direct sur une gonzesse qui est en train de se masturber. Avec un gros god miché, neuf là, connecté à internet et la machine à baise qui lui rentre dans le cul. Qui envoie. C'est formidable, les technologies de nos jours. Nous, on voulait inventer le god connecté au port USB en 2001. On aurait pu se faire du blé. Maintenant, c'est tout en Wi-Fi, en Bluetooth, en... à savoir des ondes qui rentrent dans le cul. Putain, c'est dingue. Des ondes qui rentrent dans le cul. Des ondes dans le cul. Connecté. T'as le cul connecté. Cul connecté. Connecté, le vagin connecté, tout connecté. Oh là là là là. Alors les mecs, ils attendent comme ça. Ils essaient de bander le plus longtemps possible pour que les mecs, les autres qui sont en face, de l'autre côté de l'écran, donnent des jetons, paye. Jusqu'à ce que le quota soit arrivé. Et là, après. Ils font l'éjaculation en chou privé. L'éjaculation en chou privé. Ouh là là. Donc il faut encore payer pour voir ça. Ouh là là. Le mec qui va lâcher sa petite crème sur le visage de la dulcinée. Ou sur le cul. Ou entre les seins, à savoir. Enfin bref. Ça pour dire qu'on est mal barré, qu'on est pas prêt d'avoir un cul bien portant qui a envie de se faire déporter. Un cul bien portant qui a envie de se faire déporter sans Bluetooth, sans onde. Sans connecter. Et sans payer? Oh putain, sans payer. Non, mon vieux, sans payer. C'est dur de nos jours sans payer. Jean-Paul ? Non, même pas. Mais Popol. Bon, ben c'était Popol. Voilà. Eh, Popol, t'as pas marre d'attendre pour tirer ? D'attendre pour tirer. T'es pas prêt, mon Popol ? Comme dirait Popol ? T'es pas prêt, Popol, de tirer sans payer un jour. Sans payer.